La délégation du Parti Travail de Corée, conduite par Cha Tae-bok, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, est arrivée le 6 à Vientiane, capitale du Laos, pour effectuer sa visite en République démocratique populaire du Laos. Précédemment, elle a quitté le même jour Hanoï, capitale vietnamienne, au terme de sa visite en République socialiste de Vietnam.